Yippee-ki-yay, motherfucker. Et non seulement t'es vulgaire, mais t'es ordinaire en plus. Dick Morant is dead. Bonjour à tous et bienvenue dans Transmission, la table ronde cinéphile qui fait le grand écart entre pop culture et cinéma d'auteur. Aujourd'hui, on va plutôt danser sur un pied puisque vous allez voir qu'on sera orienté plus cinéma d'auteur sur ce dernier numéro de l'année. Mais on revient assez vite cette fois-ci derrière les micros parce que le programme de cette fin d'année est absolument gargantuesque dans les salles obscures et donc nous nous devions de revenir sur quelques-uns des films qui sont sortis ces derniers jours. Donc, on va parler ce soir de Utoya 22 July de Eric Pope. Ensuite, on enchaînera avec le Roma de Alfonso Cuarón. Et on finira avec une affaire de famille, Shoplifters de Hirokazu Kore-eda. Je suis encore une fois très très bien entouré avec mes camarades. Bonsoir Lucien, comment vas-tu Lucien ? Salut Oli, ça va ? Et toi Manu ? Ça va très bien, et toi ? Lucien, partiras-tu en Norvège pour tes vacances ? Probablement pas. Et toi Manu, si tu pouvais choisir une famille d'accueil, ce serait plutôt Mexico City ou le Japon de Kore-eda ? Je vais essayer de trouver une ligne reliant Mexico City à Tokyo, ça ne doit pas être trop difficile Olivier. Bon bah tu diras bien bonjour à toutes ces personnes de ma part. Eh bien donc, sans plus attendre, on va commencer avec Utoya 22 July. Let us see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True. Alors, Utoya 22 July, c'est le sixième long métrage du réalisateur norvégien Eric Pope, après notamment L'épreuve avec Juliette Binoche en 2013. Ici, ce film recrée l'horreur vécue sur l'île d'Utoya en juillet 2011, un jour noir où Anders Breivik a tué 69 personnes de la Ligue des jeunes travaillistes. Le film est à vocation très réaliste, il a été coécrit avec plusieurs rescapés, il est interprété par des acteurs non professionnels. Et il a été tourné sur une île voisine de celle d'Utoya. Donc le film s'ouvre sur des images de vidéosurveillance de l'attentat d'Oslo. Et à 40 km de là, sur l'île d'Utoya, on découvre Kaya, une jeune fille de 16 ans. Elle est en camp d'été avec d'autres jeunes militants qui prennent des nouvelles de leurs parents, restés en ville. Donc ils sont tous en train d'appeler à Oslo pour savoir si tout va bien. Elle a, dans les premières minutes, plusieurs interactions, notamment avec Emily, sa sœur qui n'a pas envie d'être là, qui a été amené sur l'île à contre-cœur, ou encore Magnus, un dragueur un peu gauche. Puis viennent les premiers coups de feu. Lucien, qu'as-tu pensé de ce film ? D'abord, je pense que je vais pas commencer par parler de sa forme. Je vous laisserai débattre là-dessus. Je pense, pour moi, elle est aussi hermétique, poseuse, éculée et ennuyeuse. Mais j'ai un gros souci de positionnement par rapport au film, enfin de position de film par rapport à moi plutôt. J'ai un problème avec ce film qui cherche vraiment à faire du sensationnel avec un fait récent de cette importance, mais ou non, cela n'est même pas tellement la question. Mais ce qui équivaut pour moi à reproduire l'unique volonté terroriste, à savoir créer de la terreur, instiguer la terreur. Et donc pour moi, ce film ne fait que colporter ça. Pour moi, il rend presque grâce à l'ignominie de ses actes en se délectant de l'agonie interminable de ses personnages, que je trouve par ailleurs tous extrêmement caricaturaux et à l'exception d'une actrice extrêmement mal interprétée. Il y a vraiment, on voit vraiment un plaisir à regarder toutes ces vies s'éteindre comme ça dans une sorte de chaos sonore et visuel que je trouve vraiment illisible. C'est pour moi pas un film qui veut transmettre l'horreur, mais simplement m'en utiliser la substantifique moelle pour créer l'effet, pour amener une idée qui tient la route ou non, de recréer ça, chacun en jugera, mais à la hauteur de l'ego du réel. C'est cynique à crever. Peut-être que ça peut être fascinant si on cherche une démonstration de l'horreur dans son plus simple appareil. Et surtout, si on décide, pour moi, d'abandonner son âme et son esprit. Mais je trouve vraiment que sur la lecture idéologique, je veux dire, on peut difficilement envisager aussi ignoble entreprise. Ouais, j'ai oublié de préciser, juste avant de passer la parole à Manu, que donc le film est un plan séquence, peut-être truqué, mais en tout cas, il se donne l'allure d'un plan séquence et qu'il dure 72 minutes, soit a priori le temps de l'attaque, qu'a duré l'attaque réelle. Manu. Ben moi, le malaise que j'ai vis-à-vis du film tient moins tant sur le fond que tu soulignes, Lucien, plutôt que sur la forme, parce que je trouve que c'est encore une fois le paradoxe de ce type de film tourné en plan séquence qui devrait être censé te favoriser une immersion au sein du récit, mais qui fait que créer une distance entre le spectateur et la fiction qui est représentée à l'écran. Cette volonté documentaire, je trouve, elle est complètement annihilée par cet effet de plan séquence qui rend tout artificiel. Or, si au tout début du film, je trouve le film plutôt habile dans la manière dont tu captes les premières paroles de l'héroïne qui s'adresse à toi et en fait qui se révèle être une discussion avec sa mère, je trouve la manière dont il va retarder l'arrivée de Breivik sur l'île est plutôt bien sentie. Après, moi, j'ai l'impression d'un film qui est joué constamment sur une seule note, qui se répète ad nauseam avec les mêmes effets de réel, les panoramiques à l'arraché en direction des coups de feu des adolescents qui passent auprès de l'héroïne, avec une caméra qui la suit de dos en train de courir, en s'éloignant, en se rapprochant d'elle sans qu'il y ait vraiment de raison à la fois objective et subjective pour s'éloigner d'elle. Qui est posée au sol à plusieurs reprises. Ça aboutit pour moi à une des séquences les plus problématiques du film, peut-être même idéologiquement parlant. C'est un moment où l'héroïne est confrontée à la mort d'une autre jeune fille. Le téléphone se met à sonner. L'héroïne s'empare du téléphone pour découvrir, tu vois, l'identité du messager, le reposer avant que la caméra vienne faire un petit mouvement d'appareil pour te souligner l'identité du messager sur l'écran du téléphone. Là, je trouve ça vulgaire, poseur. Et en fait, je suis toujours mis à distance de l'héroïne. En utilisant cette idée de plan séquence étendue à un film, il se tire pour moi, pop, une balle dans le pied. Vas-y, vas-y. Ok. On t'en veut ouais, beaucoup. Je sais, parce que c'est moi qui ai inscrit le film au programme, alors ils sont en train de me regarder avec des yeux noirs, tous les deux, là. Bon, moi, j'ai pas été... Voilà, je trouve pas du tout que ce soit un grand film. Je trouve même que c'est un film assez vain. On parlait, c'est marrant parce que le précédent numéro, on parlait de Beautiful Boy qui était un film assez édifiant. Ici, c'est de nouveau un film édifiant puisque, en gros, le message d'Eric Pope qui est écrit à la fin du film, c'est attention, le fascisme monte partout et le fascisme, c'est mal. Après, bon, je sais que Manu va me tomber dessus à bras raccourcis parce que j'avais critiquer un film sur ce point-là, mais j'ai pas trop de problèmes avec la forme du film. Moi, j'étais dedans pendant les 72 minutes. J'ai trouvé que c'était... j'étais assez accroché. En effet, parfois, je trouve il y a un côté un peu artificiel, notamment dans la scène dont tu parles, Manu, celle avec la jeune fille qui est en train de mourir. Mais je trouve que, finalement, l'écriture est une assez bonne montée en tension, une assez bonne gradation. Je trouve qu'il y a une écriture qui est quand même à souligner. Le travail sur la menace hors champ, je trouvais ça assez intéressant, notamment dans une scène où elle est sous la tente. C'est constamment répétitif, c'est toujours les mêmes procédés de caméra, d'effets sonores qui se répètent tout du long, et au final, ça annihile tout l'impact que ça peut avoir au tout début du film. À force de revoir constamment la même chose... T'as parlé d'un des aspects du film où je te raterai pas, effectivement. Parce que je pense que tu faisais référence au film d'Iñárritu, The Revenant. Oui, tout notamment, à fait. Dans The Revenant, quand il bâtissait certains plans séquences de son film, il les bâtissait comme vraiment un moment de respiration très fort qui vraiment t'impactait. Là, il s'épuise au bout de même pas 10 minutes. Et il est bien moins inventif, bien moins impliquant que le film d'Iñárritu. Ouais, mais je suis pas du tout en train de dire que le style visuel du film est intéressant. Pas du tout. Ouais, mais on parle quand même de cinéma, donc à un moment, le style visuel, c'est un petit peu important. Oui, mais bah, n'empêche que, écoute, moi, je vais pas m'excuser, hein, mais moi, le film n'empêche qu'il m'a happé, que j'étais dedans et que je trouvais que le crescendo dramatique était bien, bien écrit et bien orchestré et que j'ai été saisi par ce film et que pendant voilà, une heure et demie, c'était, en effet, c'était dur, c'était une expérience difficile, c'était un peu un calvaire, j'attendais la coupe un peu comme une libération, quoi. Mais ça m'a accroché et j'ai été voilà, j'ai eu le bide assez retourné à plusieurs moments du film. Et je trouve que c'est assez dur parce qu'il y a quand même des panoramiques à l'arraché, comme tu disais. Bon, en effet, il y en a plein, mais il y a des moments où je trouve que ça fonctionne. Enfin, ce qui se passe sur vraiment dans les 5 dernières minutes du film, moi, ça m'a, enfin, voilà, ça m'a secoué, ça m'a foutu un coup de poing dans la gueule, juste ce qui se passait quand le destin de l'héroïne va se sceller. Moi, ça m'a happé, la manière aussi dont elle découvre l'horreur. J'ai trouvé ça bien, bien orchestré au niveau du travail de la caméra. Et il y a deux, trois images que j'ai trouvées assez saisissantes. Notamment, à un moment, il y a toute une... Enfin, je sais pas, une grappe de jeunes Norvégiens là qui apparaissent d'un coup derrière un rocher et qui courent dans la flotte. J'ai trouvé que c'était une image assez saisissante. Ouais, donc là, c'est l'argument de quelqu'un qui parle d'être humain comme étant une grappe et qui pourrait bien arrêter de défendre le film, sinon il va la voir, sa coupe. Mais non, mais c'est très paradoxal parce que même comme un film sur le même sujet qu'est le film de Greengrass qui est sorti. Sur Netflix, il y a un peu plus d'un mois, je pense, qui n'est pas un très bon film en l'état, qui s'attarde beaucoup plus aux conséquences de l'attaque, mais dans la première partie se passe à la fois à Oslo et Utøya. Même sur cette pure séquence de terreur sur l'île, Greengrass est plus efficace, et pourtant je suis loin d'être un défenseur du cinéma de Greengrass. Là où, à mon sens, très, très rapidement, le film s'essouffle en termes même de pur programme. Si je le vide de l'événement historique dont il se réclame, même en pur programme de survival, je trouve ça complètement générique, lambda. J'ai aucune empathie vis-à-vis de cette héroïne qui, en plus, dès le début, est montée dans une relation avec sa sœur qui est censée se développer au sein du film, mais avec une sœur hyper antipathique. Donc son attachement, le fait qu'elle aille rechercher sa sœur, moi, je n'accroche pas du tout. Je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment une relation qui est nouée tant que ça. Donc au final, ouais, je trouve que c'est un film pas si bien écrit que ça et mis en scène de manière assez problématique. Moi, je trouve que le personnage principal est attachant et bien interprété. Et même si c'est vrai que la scène avec sa sœur au début fonctionne pas très bien, parce que le personnage de la sœur, en effet, est sous-écrit, c'est clair. Mais elle, je la trouve charismatique et elle me donne envie. J'ai envie de la suivre parce que je la trouve hyper expressive et j'ai envie de. Enfin voilà, j'ai pas de problème à passer une heure et demie avec elle. Ouais, ben en fait, sur les une heure et demie, tu as surtout une demi-heure où tu vois juste son dos et ses pieds. Hein, donc moi, je trouve pas ça hyper immersif en termes de processus de mise en scène. D'autant plus que quand tu vois de la manière dont c'est filmé, la justification de ce plan séquence-là, nombre de fois où il y a des coupes où tu filmes le sol dans tout le... Tu te retrouves avec des plans à l'arraché sur du sol, des trucs qui n'étaient bah ouais, pas c'est vraiment un cinéma bah oui, de l'effet, pas du tout l'immersion. Le problème, c'est que son programme, c'est de t'immerger dedans. Et moi, je trouve que non. Ça m'a marqué un moment relativement, je dirais, dans la première demi-heure du film. Le film n'est pas très long, mais sur une séquence où les protagonistes sont couchés au sol. Trois ou quatre fois, la caméra est posée au sol, donc devient parfaitement stable. Alors ça, comme pour te sortir de l'immersion de manière radicale, on fait pas mieux, quoi. En effet, c'est un film qui est basé uniquement sur un effet qui est cet effet de plan séquence de ne pas couper pendant 72 minutes et qui te redonne cette impression de temps réel. S'il avait coupé, ça aurait, enfin voilà, quel aurait été l'intérêt de faire un film comme ça? Il aurait juste pu un peu moins vendre son film sur son concept. C'est clair. Parce que c'est ça aussi, c'est un film d'auteur qui est vendu sur son concept. Et une fois que tu as dépassé le concept, qui en mon sens ne marche pas sur l'entièreté de la narration, t'as pas grand chose derrière. C'est vrai. Non, mais même ce qu'il en reste est assez nauséabond, quoi, tu vois. Donc dans pourquoi l'ensemble... pourquoi tu trouves que c'est si nauséabond que ça? Moi, je trouve pas que ce soit cynique. Je l'ai expliqué en... Je trouve pas que le film soit cynique. Tu disais que c'était cynique. C'est vrai que le choix du mot cynique était peut-être pas le meilleur, mais si, je pense qu'il y a quand même un certain cynisme à se poser en grand défenseur de l'antifascisme, etc., de se poser comme limite, ça, autant dans la posture du film, de la manière dont il est vendu, et ce que le film est réellement. Moi, je pense qu'il y a quand même une certaine part de roublardise, on va dire, peut-être pas de cynisme, dans la manière dont est vendu le film. Ah, je troque mon cynisme pour de la roublardise. Ok, très bien. Bon, eh bien, on va décider à partir d'aujourd'hui qu'on arrêtera les films norvégiens. Bon, très bien. Donc, on va pas faire plus long sur ce film, surtout qu'il y a deux gros morceaux derrière. Donc, on va enchaîner tout de suite avec le Roma d'Alfonso Cuarón. Alors, le réalisateur Alfonso Cuarón, qui a fait sa carrière autour d'aller-retour entre Hollywood pour Les Fils de l'Homme ou Gravity et son pays natal, donc le Mexique, avec notamment Y Tu Mamá También, revient ici au Mexique donc, pour un film inspiré de ses propres souvenirs qu'il a produit, écrit, réalisé, photographié et monté, s'il vous plaît. Le film s'appelle Roma, il est en noir et blanc, tourné en format inhabituel, un 65 mm numérique et un son mixage Dolby Atmos, autant de points techniques précis qui ne seront que moyennement goûtés par la plupart des spectateurs puisque le film est distribué et est exploité par la plateforme numérique Netflix et ne sortira dans un réseau de salles que très limité. On a de la chance à Bruxelles puisqu'il y a une salle qui le programme. Mais sinon, tous les abonnés de la chaîne de la plateforme peuvent déjà le regarder chez eux. Le film a gagné le Lion d'Or à la dernière Mostra de Venise et il s'inspire des souvenirs d'enfance du réalisateur dans le quartier aisé de Roma à Mexico City. Ça se passe en gros sur une année au début des années 70, au début des années 70, et on suit le personnage de Cléo, qui est interprété par Yalitza Aparicio, employée par une famille aisée qui compte 4 enfants, un chien et une grand-mère, une famille qui sera bientôt confrontée au départ du patriarche. À l'exception de Marina de Tavira, qui interprète la mère de famille, tous les acteurs sont non professionnels et on peut signaler que le film a été tourné dans l'ordre chronologique sans que les acteurs n'en connaissent le scénario par avance. Manu, qu'as-tu pensé du film d'Alfonso Cuarón ? Je bois ça comme du petit lait, hein. C'est un vrai régal, Olivier. Jusque dans son très beau titre Roma, qui est le nom du quartier, comme tu l'as souligné, de Mexico, dans lequel Cuarón a grandi, mais qui aussi évoque le Roma de Fellini, qui lui aussi était un film qui replongeait le spectateur dans les souvenirs d'enfance de Fellini. Je trouve que c'est un film qui dialogue brillamment entre sa dimension cinématographique et intimiste. Il dialogue aussi avec l'ensemble de la filmographie de Cuarón, sans que les références ne viennent parasiter, à mon sens, la vision qu'on peut avoir du récit, mais bien souligner leur ancrage dans le réel de ce qui fait le cinéma de Cuarón. C'est ça qui est très joli, d'ailleurs, je trouve, dans la volonté même du film. Je parlais tout à l'heure de la volonté que je trouvais nauséabonde chez Eric Pope dans Utoya, et là on est dans l'inverse total. Mais je laisse terminer, Manu. Non, mais je trouve dès le premier plan du film, t'es vraiment happé par cette manière, à la fois, je trouve, hyper limpide de mêler dans un même plan l'infiniment grand, l'infiniment petit, de la petite et la grande histoire. C'est un plan qui prend toute sa dimension, et comme tout le reste du film, vraiment sur grand écran, dans la manière où il va travailler sur un élément de décor, les carreaux de l'entrée de la maison. Et les carreaux de l'entrée de la maison qui sont balayés par le liquide de lavage, qui va en fait symboliser toute une partie de ce qui va se déployer dans le reste du film, et qui va déboucher sur cette magnifique scène de la plage. Ce moment de grâce absolue, bouleversant, et où tout d'un coup tout fait sens, sans que ça soit surligné, mais que ça soit vraiment un travail qui a infusé tout au long du film par l'image. Je plus sois totalement. C'est tout ce qu'on demande au cinéma, c'est un pur film de mise en scène qui va rendre compte de sensations, de souvenirs cotonneux du cinéaste à travers la gestion de sa mise en scène et créer un espace, un cadre, un espace filmique pour transmettre son espace à lui, son espace mental à lui. Il n'est pas le premier à le faire, mais je trouve ça vraiment toujours très beau, très émouvant d'utiliser la grandeur du cinéma, la largeur du cadre, le mixage Dolby Atmos, comme tu dis, pour travailler un son qui est très, spatial et précis, je vais dire. Donc utiliser cette grandeur, cette force du cinéma, jusque dans ses plus petits détails, pour faire renaître quelque chose d'aussi intime que infime et intime que les souvenirs du cinéaste. Je trouve ça très beau. Manu parlait du plan inaugural du film qui est d'une beauté absolument géniale, qui fait en effet référence à une scène sur la plage, mais qui fait aussi, enfin, dont on ne comprend l'utilité qu'au milieu du film plus tard, donc on ne va pas révéler ici, mais je trouve ça très beau, cette manière de partir d'un souvenir qu'on imagine très précis pour lui, d'arriver à créer quelque chose d'enivrant sensoriellement, et qui parle uniquement grâce à mise en scène ici, comme une manière de rentrer dans le film, de donner une entrée à l'image de cette eau qui coule sur le carreau, une entrée vers cette famille, vers cette vie domestique. Plus tard, on comprendra que cette eau, elle sert à nettoyer les plaies de cette famille. Enfin, tout résonne comme ça, tout rebondit ensemble. Manu parlait des références que fait, enfin des sortes d'autoréférences, si on peut dire ça comme ça, que fait Cuaron. Je trouve ça très émouvant aussi, parce que ça remet en perspective vraiment ça, son œuvre en tant qu'auteur. Il y a des moments où moi j'ai repensé du coup à Gravity plusieurs fois. Et ça remet vraiment en perspective le film Gravity, ça fait revoir Gravity sous un autre angle que j'avais peut-être pas vu lors des précédentes visions. Et puis en filigrane, il arrive à dépasser son... Parce que je pense que j'ai lu une interview de Cuaron qui disait lui-même que il était content qu'on surinterprète un peu son film, et que pour lui, à la base, ce n'était qu'une manière de parler de ses souvenirs, quoi, de mettre en scène ses souvenirs. Mais voilà, en filigrane, il va quand même dépasser son sujet premier pour amener une réflexion sociale, anticolonialiste, politique. J'aime beaucoup la manière dont il montre que des femmes qui tiennent le monde, qui font tourner le monde. Et surtout, ça éclaire avec la présence de Cléo, cette nounou, et de la mère fictionnelle du cinéaste, l'importance de la place des femmes dans tout le cinéma de Cuaron. C'est très beau. Ouais. Et puis voilà, peut-être, enfin, on va laisser Oli en parler aussi, mais on va surtout laisser les gens découvrir, parce qu'on pourrait parler du film pendant des heures. Je pense que chaque plan est décortiquable sous toutes ses coutures. Mais en effet, il y a cette scène sur la plage qui est probablement une des plus belles choses que j'ai vues au cinéma cette année. C'est fou. Et c'est dingue comme Cuaron, avec des petites choses, arrive à dépasser le cadre simple de son film pour parfois parler de... Enfin, pour parfois faire résonner des choses pas moins grandes que des réflexions sur l'existence, des trucs vraiment tout à fait métaphysiques et immenses qu'il arrive à faire naître à partir de presque rien. C'est un acte d'amour et de cinéma, c'est un grand film, et l'un influençant probablement l'autre chez Cuaron, et je trouve ça vraiment sublime. Et toi, Oli ? Bah non, je vais abonder dans votre sens. Voilà, c'est un film immense, c'est un film magnifique. Rien que d'y repenser, de devoir en parler, j'ai la gorge qui me serre encore un peu, parce que le film m'a vraiment saisi, m'a vraiment amené au bord des larmes à plusieurs moments. Et alors les 20 dernières minutes, c'était juste terrible, c'était l'inondation dans la salle de cinéma. Vous parlez de la scène de la plage, qui est bien sûr une acmé, mais la séquence, les deux plans qui sont juste avant, je pense que un moment où il déguste une glace avec un mariage en arrière-plan qui est juste, pour moi, je trouve déchirant. Bon, voilà, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup ému, même toujours maintenant quand j'y repense. Ouais, ça se sent. Bref, c'est un film avec une mise en scène absolument ahurissante. Enfin, qui est toujours au diapason, en effet, de son magnifique personnage principal, qui est presque élevé à une aura presque quasi mystique. Hein. Il y a une scène. Enfin, c'est un personnage qui est quelque part. Presque trop bon, jusqu'à la fêlure qu'elle laisse apparaître à la toute fin. Mais il y a une scène, une très belle scène, avec un entraînement où ils doivent faire l'arbre les yeux bandés, et qui élève le personnage à un statut quasi mystique. Au début du film, le mouvement d'appareil, comme moi je l'attendais, je savais que c'était un film qui est construit sur beaucoup de panoramiques. Je l'attendais, donc je regardais la caméra bouger, et puis très très vite, au premier détail sur le personnage, J'ai complètement oublié ce truc. Il suffit qu'elle aille, qu'elle fasse les chambres et qu'elle aille rechercher la radio qu'elle a oubliée dans une chambre pour que j'accroche directement au personnage. Mais c'est parce qu'il y a un sens du détail, de l'observation, de la manière de te plonger dedans. Et il y a un sens du timing qui est complètement fou. Enfin, je veux dire, au niveau de la mise en scène, c'est un truc, c'est hyper dur à faire. Prenez le plan où ils partent au cinéma. T'as les enfants qui partent devant, elle va les rechercher, et juste quand elle arrive devant le cinéma, il y a un personnage qui rentre dans l'action, qui ne voit pas les autres, mais le timing avec lequel ce personnage rentre, c'est aussi déchirant ce qui se passe entre les enfants, ce qui se passe entre elles, on sait qui a vu, qui sait quoi, que quand, qui a vu les choses, qui ne les a pas vues, enfin c'est juste ahurissant de pouvoir être aussi précis. Il y a aussi dans la reconstitution, enfin souvent on dit ouais voilà, il y a une belle reconstitution, mais ici c'est pas juste qu'il y a une belle reconstitution, c'est qu'elle est complètement immersive et qu'en plus on l'oublie parce qu'on est que avec le personnage. Le niveau de travail sonore quand elle attend son mec devant le cinéma, c'est hallucinant. Le travail tout ce qui se passe dans le paysage sonore, rien que la séquence de cinéma où elle va lui déclarer quelque chose d'important, la manière dont il construit son cadre en les laissant sur le bord du cadre, en remplissant une grande partie de l'écran par le réel écran de cinéma. Et en tant que spectateur, t'es constamment en train de faire l'aller-retour entre ce que eux se disent sur le côté de l'image et l'image du film à l'arrière-plan. C'est fascinant comment ils construisent ce dialogue-là entre les deux. Ce moment à la fois déchirant, mais qui est aussi très trivial. Et cette immersion sonore dont tu parlais, mais cette immersion générale qui est narrative, mais aussi émotionnelle, elle est d'autant plus forte qu'il n'y a à aucun moment il y a de musique extra-diégétique dans le film. Donc ce travail sur le son est en fait atteint un tel niveau que ça en devient la bande originale du film. C'est hallucinant. Oui, mais on sent, il y a aussi tout un travail pour retrouver les archives de l'époque, le son qu'on entendait à ce moment-là, etc. Qui nous fait vraiment. Enfin, c'est un film monde en fait. C'est un film dans lequel on a envie de vivre, où on a envie de. C'est pour ça que je posais la question à Manu en ouverture, c'est que on a envie d'être dans le film. On a envie d'y être parce que tout a l'air si vrai. Et en plus, il y a un truc que je trouve. Enfin, tu disais, tu parlais de la scène du cinéma, Manu, mais ça m'a fait penser à autre chose, c'est que c'est un film qui dégage une immense douceur à l'image de son personnage, mais qui peut être aussi très dur. En fait, il y a de la violence qui fait irruption parfois de manière hyper sèche. Je pense notamment à la scène du Lando, du magasin de Lando, et la scène des, la manière dont les rapports de classe sont dépeints. En fait, il y a toujours une violence. Enfin, c'est doux, mais il y a quand même une violence dans le personnage que je trouve très beau et très complexe. De la mère de famille, enfin voilà, qui a quand même un statut un peu pas très évident. Elle est pas elle est montrée vraiment dans ses faiblesses, dans le côté qu'elle peut avoir un peu justement avec cette posture très bourgeoise vis-à-vis du personnage. Tout ça sonne hyper, enfin voilà, hyper vrai, hyper hyper à point. Je sais pas, c'est Le regard est toujours. Je pense parce qu'il a aussi une vraie empathie pour ces personnages-là. Ce qui fait que même s'il va justement te montrer ce plus rapport. Plus qu'une empathie, c'est de l'amour pur et dur. Ouais, mais c'est aussi sa démarche de cinéaste, de comment il va t'aborder le récit. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'impasse, effectivement, sur plein de scènes où elle est régulièrement rappelée à sa condition sociale au sein de la famille. Et ce qui n'empêche pas d'avoir aussi une immense empathie pour la mère derrière. Parce que c'est quand même, a priori, sa famille qui montre, qui raconte, même si c'est par le biais de la fiction, mais cette acuité qu'il a du regard vis-à-vis de ça est super belle. Et tu parlais de la scène du Lando, notamment l'achat du Lando et comment la violence surgissait. Ça, c'est quelque chose a posteriori, mais parce que c'est une image qui te marque, et donc tu la questionnes, la manière dont il construit tout d'un coup avec ce flingue qui rentre à l'avant-plan, etc. C'est une mise en scène hyper millimétrée, où d'un coup t'es assailli par ça comme l'héroïne, et tout ça pour faire surgir la surprise du personnage, parce qu'au moment du tournage, l'actrice n'est pas prévenue de qui elle va voir en face. Et c'est ça, je trouve, la force de Cuarón, c'est que justement, il travaille énormément en amont son film, il est hyper préparé techniquement, c'est un film extrêmement travaillé, et toujours pour aboutir à la vérité, à quelque chose de très intime, de très juste par rapport au personnage. Puis pour réussir cette séquence-là, la séquence du landau, avec le panoramique qui arrive sur la vision sur la rue, avec juste les mouvements des figurants qui sont dans la rue, c'est enfin, le naturel, le réalisme que tu as là-dedans, c'est complètement fou, quoi. Et c'est cette violence aussi quand ils sortent, avec cette fille, ce qui se passe avec cette fille prise dans les manifestations à l'avant-plan, enfin, c'est aussi déchirant. Enfin voilà, le film n'oublie pas qu'il est au Mexique, dans un pays a priori hyper, hyper violent, et on le sent, quoi. Et le dernier truc que je voulais dire, c'est qu'il y a un mystère dans ce film qui est le timing, en fait. Le temps de ces plans, le plan de la plage, c'est un plan qui est quand même assez éloigné, qui dure, qui est très impressionnant techniquement, mais dans lequel le spectateur, je ne sais pas comment il fait, mais il est invité à rentrer, en fait. Il est à la bonne distance et il est invité à partager cet événement avec les personnages. Et c'est magistral. C'est à la fois ce mouvement d'aller-retour entre la plage et la mer, la redite de la conversation qu'elle a avec le jeune garçon. C'est une ritournelle qui revient avec ce garçon sur « qu'est-ce que je ferais ?» et tout d'un coup qui résonne avec ce qui est en train de se passer hors champ et ce qui va l'amener à revenir vers la mer. Et la manière dont il l'accompagne dans cette plongée pour essayer de récupérer les enfants, c'est juste magnifique. Et tu es submergé par les vagues, tu es complètement... Le son est incroyable. Le son est incroyable. Je veux dire, pour le coup, c'est vraiment une nécessité de privilégier la salle. Et on peut être heureux d'avoir des distributeurs qui se battent un petit peu pour faire vivre ce genre de film en salle, parce que ça prend toute sa dimension dans une salle de cinéma. Je fais juste un bond en arrière. Tu parlais des vagues et il y a un truc assez fascinant sur les éléments qui purifient dans ce film. Il y a un truc, c'est assez littéral. Le feu après l'incendie, les vagues, l'eau au début, les volutes de poussière, je sais pas si on peut... C'est des judokas, je sais pas quel art martial ils font. C'est les 8 techniques de Shaolin. Voilà, enfin bon, voilà. Je trouve ça assez, assez beau et fascinant. C'est ce qui me fait aimer un film en premier, peut-être, au-delà de la maîtrise, etc. C'est la croyance absolue qu'on peut avoir en son cinéma, en sa mise en scène, en la force de son cinéma. Et là, je trouve ça vraiment très beau, la manière dont ça dépasse même ça. Il a presque l'air de dire que le cinéma peut réparer les blessures, quoi. Je trouve ça vraiment très, très, très, très beau. Très bien. Bon, bah, on va s'arrêter là pour Romain. On pourrait encore en parler des heures, mais il y a un autre film au programme. Et puis, on doit rester en dessous de la barre de l'heure, n'oubliez pas. Voilà, donc on va enchaîner tout de suite avec Une affaire de famille de Hirokazu Kore-eda. Bien sûr, t'as un peu, hein. Alors, Palme d'Or au dernier festival de Cannes. Une affaire de famille, c'est le nouveau film écrit, réalisé et monté par Hirokazu Kore-eda, dont c'est déjà la troisième fois qu'on parle dans Transmission, parce qu'il fait un film, il sort un film tous les 6 mois. Ici, la photographie, par contre, il l'a laissée à son comparse Ryuto Kondo. On retrouve ici aussi des figures familières de son cinéma, notamment Lily Franchi dans le rôle du père qu'on avait vu dans Tel père, tel fils notamment, ou Kirin Kiki dans celui de la grand-mère qu'on avait vu elle dans Still Walking ou Après la tempête. Qui est décédée depuis d'ailleurs. Exactement, mon cher Lucien, tu m'ôtes les mots de la bouche. Le film est également interprété par Sakura Ando, qui joue ici le rôle de la mère et qu'on avait découverte dans Love Exposure de Sono Sion. Alors, ça se passe de nos jours dans une ville japonaise. Deux complices font du vol à l'étalage. L'un est un homme d'âge mûr, l'autre un petit garçon d'une dizaine d'années. Sur le chemin du retour vers chez eux, ils recueillent une petite fille, la ramènent à la maison et on découvre alors les autres personnages, une grand-mère, une adolescente et une probable mère de famille. J'emploie les mots père-mère pour aller un peu vite, mais on ne sait pas vraiment quelle est exactement la teneur des liens qui les unissent. Alors, c'est moi qui commence sur le film de Hirokazu Kore-eda. Bon, je vais sans doute un peu paraphraser pas mal de critiques qui ont déjà vu ce film. C'est un très grand film de Kore-eda. C'est sans doute un de ses meilleurs films, même si, selon moi, il ne retrouve pas encore le niveau du film que je préfère de lui, qui est Nobody Knows. Après, Roma, c'est un autre film monde, en fait. C'est un autre film dans lequel on a envie de rentrer, on a envie de vivre avec ses personnages, d'être un peu plus longtemps avec eux. C'est marrant parce que c'est deux grands films de cette fin d'année, selon moi, et deux chroniques, des espèces de chroniques familiales qui se déroulent sur une année. C'est assez étrange de voir ces deux films-là au programme. Deux gagnants de... Deux gagnants de grands festivals internationaux. Pour moi, le premier super grand point fort du film, c'est son écriture. C'est une écriture très subtile. La manière dont on va progressivement en apprendre plus sur les personnages, les liens qui les unissent. Tout est fait par des révélations progressives qui viennent complexifier en fait les personnages et surtout en fait qui viennent complexifier les liens qui sont entre eux, enfin ce qui les unit. Et tous les personnages sont développés, ils ont tous un arc narratif qui est conclu, à l'exception peut-être notable de la jeune adolescente, qui est peut-être le personnage le plus faible, mais c'est pas très grave parce que on va les appeler la mère, le père, le petit garçon, sont des personnages qui sont incroyablement forts selon moi et incroyablement complexes. La petite fille aussi, oui, tout à fait. Voilà, j'ai été très touché par les rapports, notamment entre le père et le jeune garçon, qui sont sans doute plus proches que la plupart des pères et fils, mais qui souffrent quand même d'une blessure originelle. En fait, j'ai l'impression que le sens du film est peut-être un peu à chercher par là, c'est-à-dire qu'ils construisent des relations qui sont super belles, mais qui sont toutes... qui partent tous d'un mauvais départ, qui sont quand même construites sur des espèces de blessures, des vols, de la cupidité, des choses qui sont le cœur noir de l'âme humaine. C'est le propos du film, je pense. Hein. Pour étayer ce que tu dis, je pense que tu as une scène justement qui est une scène du vol à l'étalage chez le petit marchand où le jeune garçon reproduit ce qu'il a connu avec la jeune fille et la manière dont va réagir le commerçant, je pense, en dit assez long sur ça. Qui est émouvante à crever parce qu'elle déborde d'humanité, cette scène, c'est d'une beauté absolument dingue. Mais voilà, c'est aussi un film qui est d'une infinie douceur, je trouve, mais... Par contre, à la différence du film de Cuarón, je dirais que c'est quand même un film qui, fondamentalement, quand on y repense, est assez dur et assez triste, en fait, presque désespéré. En fait, c'est ce que... D'abord, je veux faire un petit tout petit parallèle par rapport à cette relation père-fils, qu'on va appeler comme ça, que je trouve très très belle, comme toi. Non, moi je suis très très beau, Lucien, surtout avec la tenue que porte Olivier ce soir. Exactement. Qui m'a à certains moments fait penser, et entre autres ça m'a frappé un moment sur un plan dans un parking où ils jouent tous les deux, qui m'a fait penser à Paris Texas, de cette relation qu'a Harry Dean Stanton avec son fils, et à un plan qui est, je pense, une référence de Kore-eda, parce que c'est vraiment une sorte de plan un peu en forte plongée, un peu décalé dans avec le parterre du parking qui fait un carré décalé dans le rectangle du cadre. Je pourrais retrouver les deux plans, les mettre côte à côte, je suis sûr qu'il y a un truc. Et c'est marrant parce que à certains moments, j'ai pensé aux ailes du désir devant le Cuarón. Tu disais juste avant que le film était dur et un peu, disons, plus rugueux que d'habitude chez Kore-eda. Et en fait, le fond du film, selon moi, est dur. Le film est lumineux. Mais je pense vraiment, j'ai adoré le film. Hein. Je trouve aussi que c'est un des plus beaux films de l'année. Et c'est probablement, avec Nobody Knows, mon Kore-eda préféré. Et c'est un cinéaste que j'aime énormément. Et je pense que ça vient de là, c'est parce que ce sont probablement ces deux films les plus rugueux, les plus durs. Ils ont ce qu'ont tous les films de Kore-eda. Ils sont bienveillants, aimants envers ces personnages, humanistes comme toujours chez Kore-eda. Mais aussi, là, il y a un truc qu'il n'y a peut-être pas dans ces autres films, c'est qu'il y a une révolte, il y a même une colère. Et je pense que si j'aime autant ces deux films, c'est parce qu'ils ont cette hargne que n'ont pas les autres Kore-eda. Je passe la parole à Manu, on rebondira. Je pense que tu l'avais en filigrame, cette hargne vis-à-vis d'un système, etc., dans The Third Murder, qui était un Kore-eda plus faible. Mais juste pour revenir sur cette humanité qui transpire des personnages, c'est pas juste pour poser la palissade sur la beauté du regard qu'il a, c'est la manière dont il travaille ton identification avec ces personnages-là. C'est vraiment un travail de mise en scène, c'est pas juste la noblesse du sujet qui primerait, c'est vraiment la manière... Et à travers une mise en scène qui est assez transparente. Qui est même difficile à analyser, moi je l'analyserai assez peu la mise en scène. Je parlerai peut-être juste de la toute première scène du film. la complicité qu'il y a entre ce père et ce fils qui vont venir chaparder dans un supermarché. Et c'est construit comme une sorte de western. Tout se passe par des jeux de regard. Et en fait, c'est comme ça qu'il te cueille avec les personnages. Et régulièrement, il y a notamment l'actrice Sakura Ando, qui est juste, je pense, l'un des plus beaux personnages du film, et qui, lors d'une scène de bain et lors d'une scène qui succède à cette scène-là, est juste bouleversante, mais parce qu'il a construit ce personnage-là de manière magnifique tout du long. Le seul petit... Juste un petit crochet, juste, je pense qu'il y a un plan sur elle vers la fin du film, en gros plan face, où je pense qu'on a la plus belle performance d'actrice de l'année, je crois, quand elle est confrontée à ce qu'elle a fait par les pouvoirs civils. Je trouve que c'est... Elle accomplit une performance absolument incroyable. C'est peut-être là où je vais avoir une toute petite réserve vis-à-vis du film. Je trouve l'aspect intrigue policière qui va clôturer le film, je trouve, fait sens thématiquement, mais pendant tout le film, j'avais quand même beaucoup de mal à comprendre justement la storyline que tu parlais, assez faible, de la jeune fille stripteaseuse. Je la trouve pas très intéressante, et c'est elle qui est reliée avec cette famille, avec la grand-mère, etc. Ça, c'est un peu tiré par les cheveux, en effet. Assez nébuleux, assez obscur, et donc c'était un élément du film que je trouvais assez faible et que j'avais du mal à cerner. Ça n'enlève pas toute la beauté du film, mais je trouve que là, à ce moment-là, le film montre un peu ses limites dans son écriture, dans ce renversement. Moi, j'avais vu la bande-annonce avant, et la manière dont la bande-annonce est montée, j'avais l'impression justement que cette révélation, cette partie, on va dire, judiciaire du film, prenne trop de place. Et je trouve justement que déjà, elle intervient très tard dans le film. Donc on a vraiment eu le temps de vivre avec cette famille, vivre dans cette maison, vivre ce décor. Et je trouve que c'est traité avec une grande pudeur, parce qu'il n'y a quasiment jamais le contre-champ. Quand ils sortent de la maison et qu'il y a le plan avec la lumière, il n'y a pas le contre-champ, et on est tout de suite... là, il y a des ellipses qui vont super, super vite. Et il y a un système de face caméra, justement, que je trouve assez efficace et assez... justement, qui reste sur les personnages, en fait. Okay, et qui ne va pas, qui va pas privilégier autre chose. Mais je suis d'accord sur la résolution de l'intrigue avec... Je pense qu'émotionnellement, ça fonctionne, et thématiquement et émotionnellement. C'est juste que je trouve que ça se manque de clarté narrative à ce moment-là. Et ça, en fait, ça fait que ça développe aussi toute une storyline sur la jeune fille de la famille, que je trouve assez peu intéressante, parce que moi, quand je la vois dans son club de striptease, etc., la relation qu'elle entretient avec le gars-là, tout ce qui est périphérique à la famille, j'ai pas d'accroche, en fait. Et ce qui est construit autour de cette famille qui aurait un lien avec la grand-mère, etc., honnêtement, j'ai rien pipé. J'ai vraiment pas eu les cartes en main à temps par rapport à ça. Ça apporte... c'est vrai que moi aussi, quand je suis sorti de la salle, je me suis posé les mêmes questions. Mais en y repensant, je me suis dit que ça apportait quand même quelque chose, cette famille qui vit sur un secret, un non-dit. Tu vois deux autres familles, en fait. Enfin, tu vois ou tu entends deux autres familles dans le film, et elles te semblent plus dysfonctionnelle, en fait, que celle que tu vois, alors qu'elle est faite de briques et de brocs. Mais je suis tout à fait d'accord, mais je pense que c'est tout le propos aussi du film en partie, mais c'est juste dans la construction que je trouve ça un peu plus fébrile que tout le reste du film, qui est tellement impressionnant. C'est pas impressionnant, et pas le beau mot, parce que t'es pas impressionné, t'es juste touché par ces personnages et par l'humanité qui se dégage de toutes ces relations. C'est un très très beau film. Très bien. Autre chose à ajouter, Lucien ? Non. Si, on va juste ajouter « Allez voir Roma », « Allez voir Une affaire de famille », deux très beaux films pour finir l'année. Une affaire de famille, c'est peut-être bien un peu un film de Noël. Il y a de la neige, il y a une famille, il y a de l'amour, il y a un peu d'artifice. Il y a tout ce qu'il faut. Très bien. Mais on va passer tout de suite au conseil, les amis. Manu, qu'as-tu donc à nous conseiller pour cette fin d'année ? Je vais faire simple et bref pour ce conseil. C'est une chaîne YouTube que je viens de découvrir, qui s'appelle Rigolo, qui est consacrée à la comédie française, avec un épisode consacré à l'homme orchestre de Serge Corbert avec le bien nommé Louis de Funès, La personne aux deux personnes de Nicolas et Bruno avec Daniel Auteuil et Alain Chabat, et Tais-toi de Francis Weber avec... Gad Elmaleh et Gérard Depardieu. Non, avec Depardieu et Jean Reno. C'est des petites vidéos de 7 à 8 minutes. Il y a notamment une super analyse de Tais-toi et de l'évolution de Depardieu dans le cinéma de Weber, qui m'a donné envie de voir ce film-là, que je n'aurais jamais eu envie autrement de voir. Donc voilà, c'est déjà un petit exploit en soi. Merci bien, Manu. Et toi donc, Lucien ? Moi, je vais vous parler très très brièvement de deux films. Donc, on pourrait appeler ça un conseil et un déconseil. Je vais vous déconseiller Climax, qui, outre l'immense talent de Benoît Déby, prouve bien que Gaspard Noé, avec toute la sympathie que j'ai pour le personnage, pour sa cinéphilie, pour sa bonhomie, n'a pas ou plus grand-chose à raconter. Et que malgré quelques idées visuelles assez frappantes, il n'arrive pas à dépasser ce manque de d'envie, de propos, je ne sais pas exactement. Mais bon, voilà, donc des conseils Climax. Et un conseil, en faisant le grand écart, comme on est habitué à le faire, visiblement, pour le dernier Astérix, dont j'ai oublié le titre complet, mais de... Et le secret de la potion magique. Bah, oui, c'est ça, voilà, de Clichy et Astier, qui est évidemment construit comme étant un film divertissant pour enfants, qui l'est, on ne voit absolument pas le temps passer, et qui arrive à, disons, à effleurer énormément de problématiques sociétales, on va dire, à hauteur d'enfant. Je trouve ça assez malin, assez bien fait. Très bien, eh bien moi, comme je n'ai pas vu grand-chose, je vais recommander une revue de qualité française qui s'appelle Positif. Non, je ne recommande pas de lire la revue Positif, je recommande de faire attention au programme de la revue Positif. Ce mois-ci, par exemple, pour leur numéro 694, ils ont une super affiche, puisqu'ils parlent de Cuaron, Roma, de Steve McQueen pour Les Veuves et de Hirokazu Koreeda pour Une Affaire de Famille. Donc, trois films majeurs de cette fin d'année qu'on a ardemment défendus à ce micro. Et puis, qui sont, comme toujours, agrémentés non seulement de critiques qui sont particulièrement pertinentes, surtout sur le film de Koreeda et de Cuaron, un peu moins sur le film de Steve McQueen, je trouve, mais qui sont agrémentés à chaque fois de très longs entretiens de 5 à 6 pages avec les réalisateurs. Et c'est là qu'on apprend notamment que Cuaron n'aimait pas le titre Roma à la base, c'était un titre de travail, mais qu'il s'est rendu compte que c'était l'anagramme de Amor et que finalement il l'a laissé. Ah ben, c'est une anecdote plutôt intéressante. Voilà, il parle notamment très très bien de son choix de ce 65 mm numérique. Il veut vraiment que le film, bon, je suis reparti sur Roma, il veut vraiment que le film ressemble à un film de son temps, et qu'il veut vraiment utiliser, il voulait pas qu'il y ait de grains, il voulait pas que ce soit de la pellicule, il voulait vraiment cette texture, il voulait vraiment cette limpidité que le numérique offrait aujourd'hui. Et en plus, il y a un dossier sur Miloš Forman ce mois-ci, donc voilà, c'est comme un peu plus alléchant que quand c'est Claire Denis, par exemple. Moi, je l'ai acheté avant même d'avoir vu aucun des films pour cette raison-là. Je me suis dit Koreeda, Steve McQueen, Cuaron et Miloš Forman. Voilà, très bien. Donc, je vous souhaite une très bonne fin d'année, messieurs. Julien Rombaud sera là la fois prochaine, puisque nous allons parler de nos top 10 de fin d'année. Enfin, en tout cas, on parlera des films qui nous ont vraiment beaucoup plu en 2018. Et on fera, comme l'année dernière, je pense, c'était une bonne idée, on fera peut-être un petit détour par les films dont on n'a pas parlé ici et qui pourtant figurent dans nos préférés de l'année. Très bien. Eh bien, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.